Niko na lamukia kila nduku na kila dada mjini Yesu Kristo. Je salue chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunapikia Mungu asante tena kutukaburia siku ya leo. Nous remercions notre Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Je kama mko na fura. Je ne sais pas si vous êtes dans la joie. Fura inaonekana kata pa macho. La joie se manifeste même sur la figure. Kama mtu yuko na fura hata pa macho tamona. Même physiquement, vous allez voir quelqu'un qui est en joie. En face ici, vous allez voir que celui-ci vraiment a la joie. Lorsque quelqu'un n'a pas la joie, vous allez encore le remarquer. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Pour lire notre écriture habituelle. 1 roi chapitre 17. Wafalme wa kwanza sura 17. Niko na soma verset 8 kisha mitaluka. Verset 8, nous allons sauter. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Neno ya Yehova ikamulekea mumisemo hiyo. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Ulamuke wende ku Sarepta ya Kusidoni. Et demeure là. Na upate kuka kule. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Tazama namuru mwanamke muyane apate kulisha. Elle alla vers 15. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Akaenda na kufanya kufatana na sauti ya Elia. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Na muda mrefu le mwanamke akakuwa na chakula. Elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Yeye na jamaa yake pamoja na Elia. La farine qui était dans les pots ne manqua point. Bunga bule burukwa mu mutungi abukumalisike kamwe. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Na mafuta ile ilikuwa mchupa haikupunguke kamwe. Selon la parole de l'Éternel qu'avait prononcé par Élie. Kufuatana na neno ya Yehova ile Elia alisema. Mungu Baba tunakupikia asante. Dieu notre Père, nous te disons merci. Asante sana juu ya kutukaribisha kando kando ya neno yako. Merci de ce que tu nous as permis tout autour de la parole. Asante juu ya kutuchunga na bujima. Merci de nous avoir gardé en vie. Kuko bantu beko na kimbia mamvita. Il y a des gens qui fuient la guerre. Na kuko bengine beko mukoma. Il y en a d'autres qui sont dans les comas. Shiaba tunapatikana pa ifuashi. Mais nous retrouvons ici. Aina ya kusema tuko na akili kubapita. Ce n'est pas que nous les dépassons en intelligence. Ni nema tu ile tulipata mushiku ya leo. Mais c'est juste la grâce que nous avons reçue. Na wewe unatuongoza pa ifuashi Seigneur. Et tu nous as conduit en ces lieux Bwana. Utusaidie mfalme. Aide-nous Bwana. Présence yetu mu nyumba ishikwe ya bule. Notre présence dans cette maison ne soit pas vaine. Kila wakati tuko na kuya kusanyika pa ifuashi. Chaque fois que nous venons nous réunir en ces lieux. Wewe Mungu ndiye ulituma mjumbe mwiki kizazi. Toi Dieu qui a envoyé le message dans cet âge. Wate kujifunua kwa kila ndugu na kila dada. Puisses-tu te révéler devant chaque frère et chaque sœur. Tuko na katala kupitisha mashiku yetu pa hii dunia. Nous refusons de passer notre séjour sur la terre. Ila kufanya onjo ya kweli na wewe. Sans faire aucune expérience véritable avec toi. Kumbe sabile tukingana comme nous avons encore la vie, Bwana, puisses-tu nous accorder la grâce. C'est la raison pour laquelle nous nous réunissons. Bénis notre rassemblement, Bwana. Bénis chaque frère et chaque sœur. Souviens-toi notre pasteur qui est en voyage, ainsi que son épouse. Et puisses-tu nous aider ce soir. Nous t'abandonnons toute la conduite de toutes choses. En priant avec foi parce que nous te connaissons, au nom précieux du roi et du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons encore à parler, frères et sœurs. Tu as un message et tu sois certain de Dieu. Concernant notre sujet, où est na uhakika ya Mungu? Nous voulons avancer un peu vite puisqu'on n'a pas assez de jours. Kama Mungu ataweza kutusaidia. Si Dieu peut nous aider. Parce que il pensait tout qu'on a bébé à Nidu à Yumanamouke, Mouakatia. Nous avons pris cette pensée concernant cette femme du temps du prophète Élie. Il y a beaucoup de choses que le prophète a parlé au sujet de cette femme. Si Dieu nous aide, nous allons toucher un peu une partie. Il n'y a pas moyen de terminer la pensée. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle. Toutes les fois que Dieu envoie une certaine pensée, il a sa vision. Il a une personne concernée dans cette affaire. C'est pourquoi chaque fois que Dieu envoie son inspiration, nous savons que Dieu a des visées. Nous parlons concernant ce sujet. C'est parce que chaque fois que les enfants de Dieu se retrouvent sur la terre, ils font souvent de véritables expériences. Nous aussi, nous nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Si les anciens ont fait des expériences, c'est du temps de la Bible qu'on fait des expériences. Des frères ainsi que des sœurs, c'est pas seulement des serviteurs, même des simples frères. D'autres qui n'avaient même pas servi Dieu, mais qui ont fait de véritables expériences avec ce Dieu de la Bible. C'est pourquoi nous voulons chaque frère et chaque sœur qu'il fasse une véritable expérience. Mungu akuye Mungu wake. Que Dieu soit son Dieu. Mungu akuye Mungu wako. Que Dieu soit ton Dieu. Qu'il ne soit pas seulement le Dieu pour les prédicateurs. Et Dieu n'est pas seulement pour les prédicateurs. Il n'est pas seulement pour les pasteurs. Il n'est pas seulement Dieu des diacres. Mais Dieu, il est Dieu de ses enfants. Et chaque véritable enfant de Dieu, il ne peut pas passer son temps sur la terre sans pour autant expérimenter les véritables Dieux. Non. Maintenant, examine-toi depuis que tu as quitté la dénomination. Et tu as fait longtemps dans l'église. Quel est ce Dieu-là que tu as reçu? Si tu as Dieu dans ta vie, ça ne sera pas dans l'imagination. Il sera un Dieu réel. C'est lui qui a Dieu. Tout le monde peut refuser. Tout le monde peut entrer en confusion. Mais lui non. Parce que Mungu ndana maisha ya mtu. Parce que Dieu dans la vie d'une personne. Asiweze kumwacha ingie mkonfusion. Il ne peut pas les laisser entrer en confusion. Mungu apate mbariki. Que Dieu vous bénisse. Ndio vile Mungu anekalaka. C'est comme ça que Dieu est. Asiweze kamwe. Il ne peut jamais. C'est pourquoi tu nasema juu ya hii hakikisho. C'est pourquoi nous parlons sur cette assurance. Kila ndugu na kila dada anapaswa kuwa na ile hakikisho. Chaque frère et chaque sœur doit avoir cette certitude. Ni imani moja kama inaingia mu maisha ya mtu. C'est une fois lorsqu'elle entre dans une personne. Inaikalaka iko na tulizana. Elle tranquillise. C'est la vérité. Ni kweli. Frère Branham dit ceci avant d'évoluer un peu. Oh, mon message est non blasphématoire. Dans ce message, Majina ya makufuru. Paragraphe yake 126. Nukta 126. Eko nasema ni paka paragraphe moja ile mitasoma. C'est un seul paragraphe que nous allons lire. Anasema la plus grande partie de notre foi. Anasema kipande mnene ya imani yetu. Et une foi mentale. Ni imani ya mukichwa. En écoutant la parole, mukusikiliza neno, cela nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Inatuletea kumjua tu Mungu mukichwa. Mais alakini, si cela vient d'en haut, kama ile inatokea kumbi, oh frère, oh nduku, si jamais cela frappe ceci, kama kamo iyo inapika hii, il y a une foi saine, kuku imani takatifu, spirituelle, ya kiro, alors que cette foi, japo iyo imani, Cette foi ne reconnaît que la parole. Imani yo inajua paka neno. Peu importe ce que n'importe quoi d'autre peut dire. Aizuru kila mtu mwingine anaweza kusema. Elle ne reconnaît que la parole. Yo inajua paka neno. Au commencement était la parole. Katika mwanzo ilikuwa neno. Et la parole était avec Dieu. Na neno ilikuja pamoja na Mungu. Et la parole était Dieu. Na neno ilikuwa Mungu. Et la parole est toujours Dieu. Na neno iku et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et quand la parole elle-même est versée dans notre foi, notre foi mentale devient une révélation spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Kama neno inaingia mwili imani yetu ya mukichwa. Si la parole est versée dans notre foi mentale. Jo mwili wakati na kuyaka ufunuo. C'est à ce moment-là que cette foi devient une révélation. Kufuatana na sauti ya Mungu. Selon la parole de Dieu. Imani ya bia kweli ni ufunuo. La véritable foi c'est la révélation. Directe ya kutokea kwa Mungu. Qui vient directement de Dieu. Ceci demande à ce que Dieu puisse se révéler à toi. Tu ne peux pas recevoir une foi pareille tout en s'adhérant seulement à l'église. Non. Non. Tu ne peux pas recevoir une foi pareille. En écoutant assez de prédicateurs, tu peux être capable de connaître un peu les choses. Mais recevoir cette foi qui, lorsque l'entre en toi, toute ta vie vit au dépend de la foi. Cela demande à ce que les dieux du ciel puissent te les révéler. Na mutoto wa Mungu wote mukila kizazi. Et tout véritable enfant de Dieu dans chaque âge. Asipendake kutembea na imani ya mkanisa. Il ne voudra jamais marcher avec la foi de l'église. Asipendake kutembea na imani ya zamani. Il ne voudra jamais marcher avec une ancienne foi. Anapendaka yepeke kufanya onjo ya bia kweli. Mais cherchera ce que lui-même fasse la véritable expérience. Na ile nekalaka mangaiko ya batoto ya Mungu. C'est ça qui a toujours été la préoccupation des enfants. Je pense à ta imangaribi. Je pense que même ce soir, c'est ça la préoccupation du chrétien. Un chrétien a une préoccupation, il recherche, il pleure, il se bat, il se pose des questions. Parce qu'il recherche la réalité de Christ, il puisse se retrouver dans sa vie. C'est comme ça qu'un chrétien a toujours été. Il est vraiment dans la préoccupation. Il se bat pour que la vérité puisse se retrouver dans sa vie. Un véritable enfant de Dieu, s'il n'a pas encore fait la véritable expérience, dans son cœur il n'y a pas de paix. Mais toi, où est-ce que tu as trouvé cette paix que tu as? Comment peux-tu être tranquille? Un véritable chrétien, un enfant de Dieu, dans son séjour sur la terre, s'il n'a pas encore fait la véritable expérience, il ne peut pas rester tranquille. Il faut à tout prix qu'il puisse expérimenter la vérité. Lorsqu'il marche, c'est la chose surnaturelle dans sa vie. C'est celle qui va l'aider même à affronter la mort. Peux-tu affronter la mort avec la foi du tabernacle? Voyez-vous, tu vois comment tu es distrait. Ne sais-tu pas que la mort maîtrise les gens? La mort maîtrise même les puissants. Tu restes seulement dans l'église. Ton problème c'est de venir seulement écouter des prédicateurs. Ne sais-tu pas que devant toi il y a un problème? Tu crois que la mort c'est quelque chose de facile? Ça fait terreur aux gens. Mais sans avoir fait l'expérience avec Dieu, devant la mort tu vas péter ou t'as kufa. C'est la vérité. Nikweli. Ne voyez-vous pas que ce ne sont pas des choses à prendre superficiellement? Malgré que tu te fâches lorsque les prédicateurs prêchent, mets-toi en colère, mais néanmoins Dieu t'avertit. C'est la vérité. Nikoeli. Chaque frère et chaque soeur, il doit s'efforcer afin d'expérimenter qu'il ait cette foi, cette foi qui est la révélation. C'est celle lorsque quelqu'un la reçoit. C'est-à-dire, même devant la mort, il ne peut pas trembler. Il ne sera jamais effrayé. C'est la vérité. Nikoeli. Est-ce que vous avez une imani? As-tu vraiment cette foi-là? Pourquoi? L'as-tu réellement? Pourquoi n'a pas n'a tu combien nini? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Pourquoi n'a pas n'a tu bembeleche? Tu veux qu'on te dorlote? N'a pas n'a frère. Non, mon frère. N'a pas n'a dad. Non, ma sœur. Qui l'andou n'a pas chaque ipata? Chaque frère doit avoir cette foi-là. C'est la vérité. Nikoeli. Moi, na homme na moi na muke. Tout homme et chaque femme. Qui n'a pas encore reçu ce genre-là de foi, il est malheureux. Sur cette terre, même tout son séjour sur la terre, il est malheureux. Je vous dis la vérité. Tu es malheureux. Peu importe qui est où, Ukoaole. Naizuru, ce que tu es malheureux. C'est la vérité. Nikoeli. Tu dois, dans ta vie, avant de quitter ce monde, que tu aies, c'est Dieu la véritable. C'est pas moi qui te donnera cette certitude. Ce n'est pas moi. Ce n'est même pas le pasteur Ngo qui va te donner cette conviction. Ce n'est même pas cette église qui va te donner cette conviction. Ne voyez-vous pas que les affaires de Dieu, ce n'est pas question de servir d'être membre ou servir dans l'église? Non. Mais dans la parole de Dieu, c'est au-delà de tout ça. Et la chose pour laquelle les chrétiens se battent dans chaque âge, c'est cette expérience lorsqu'il est là. À ce moment-là, son cœur va se tranquilliser. C'est la vérité. Nikoeli, c'est pas moi qui va te les donner. Ça ne vient même pas de l'église. Ça ne vient même pas Mukazi ou Mali. Ça ne vient même pas de la richesse. Ça ne vient même pas en prenant des notes. Non, ça ne vient pas de toutes ces choses-là. Mais ça, c'est une révélation qui vient directement de Dieu. Il n'y a aucun prophète qui peut te les donner. Non. C'est Dieu seul discernant. C'est lui seul qui se révèle aux gens, aux humains. Lui seul. C'est la vérité. Nikoeli. Savez-vous du temps de la Bible? Lorsque Jésus était avec ses disciples, vous écouterez ce que la Bible dit. Nous allons dire d'abord. Matthieu. Matthieu. Chapitre 16. Matthieu, sura kikumina sita. Akuna mutu atakupa hiyo pa dunia. Il n'y a personne qui va te donner cette foi. Aina mambo ya mizaili. C'est pas quelque chose de blague. Wewe endelee pa kucheza. Continue à tamiser. Utakumbuka ka hiyo injili hata palufu. Tu te souviendras de cet évangile même lors de la mort. Mimi sikuogopeshe. Moi je te fais pas terreur. C'est la vérité. Nikoeli. La Bible dit ceci à partir du 13e verset. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée à Philippe. Yesu kisha kufika mujimbo ya Césarée ya Philippe. Demanda à ses disciples. Akauliza wanafunzi wake. Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Muku nasema kwamba mimi ni nani mwana wa mtu? Il répondit. Wakamujibu. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Bamoja wanasema sema ku Yohana Mbatizaji. Les autres Jérémie. Bengine wanasema sema. Les autres, l'un des prophètes. Bengine wanasema kumumoja wa manabii. Et vous, leur dit-il. Sasa mweye akabambia. Qui dites-vous que je suis? Mungu nasema sema ni kunani? Simon Pierre répondit. Simon Petro akajibu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu reprenant la parole et lui dit. Yesu akajugua sauti na kumwambia. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Uko waheri wewe Simon na mwana wa Yona. Kwani ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Aina mwili na damu ndio inakufunulia hayo. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alakini ni baba yangu mwenye kwa Mungu. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Aina damu na mwili ndio inakufunulia. Aina mtu anakufunulia. Ce n'est pas quelqu'un qui te l'a révélé. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Aina kanisa inakufunulia. Ce n'est pas l'église qui te l'a révélé. Aina loyauté yako ku tabernacle inakufunulia. Ce n'est pas ta loyauté au tabernacle qui te l'a révélé. Ni baba ndio anakufunulia. Mais c'est le Père qui te l'a révélé. Na sa vile unapata ile ufunuo. Comme tu as reçu cette révélation, tu es heureux. C'est la vérité. Ni kweli. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ukuaheri, Simon, mwana wa Yona. Parce que ce ne sont pas la chair et le sang. Kwani aina damu na mwili. C'est le Père qui est dans les cieux. Alakini ni baba aliye juu mbinguni. Kama mtu anapata ile ufunuo, frère. Lorsque quelqu'un reçoit cette révélation, mon frère. Na imani kwake nakuya ufunuo. Et la foi pour lui, ça devient une révélation. Anakuwa wa kubarikiwa. Il devient béni ou heureux. C'est la vérité. Ni kweli. Parce que imani ya kweli. Parce que la véritable foi. Ni ufunuo ya kutokea directement kwa Mungu. C'est la révélation qui vient directement de Dieu. C'est pourquoi mon Christ a bien kweli. C'est pourquoi le véritable chrétien. Mon Christ a bien kweli dada. La véritable chrétienne ma soeur. Combat yake yote. Tout son combat. Ni kupata ile ufunuo. C'est recevoir cette révélation. Ashikalaka mkujiinteresse na hivi vitu vingine. Ne s'intéresse pas aux autres choses. Si vous regardez du temps de la Bible, au début, vous verrez que il y avait Caïna et Abel. Tous étaient baboudouaï. Tous voulaient adorer. Afin qu'ils reçoivent grâce devant Dieu. Parmi ces deux personnes, il y avait une fausse semence. C'était celle de Caïn. Caïn, lui, s'intéressait des choses matérielles de la terre. Mon imagination, il croyait que Dieu peut m'agréer, peut m'accepter. Mais Abel de l'autre côté. Mais Abel ngambo ingine. Lui avait reçu la révélation. Que Dieu vous bénisse. Ces deux esprits existent même ce soir. Il y a des gens qui se en réalité, ce sont des choses charnelles. Passagers. Bia kupita. Qui ne peuvent l'aider en quoi que ce soit. Mais les véritables enfants combat de Dieu, yabo, leur combat, ni kufanya onjo ya biakweri, c'est faire la véritable expérience. Voilà leur préoccupation. Et ces gens-là existent. C'est la vérité. Nikweli. Mais pour les véritables chrétiens, leur combat c'est recevoir le salut, la révélation. Dieu, je n'ai pas besoin qu'on me connaisse à l'église. Je n'ai pas besoin d'avoir des titres à l'église. Je n'ai pas besoin de chanter dans la chorale. Mais ma préoccupation est que ce Dieu-là de la Bible soit mon Dieu à moi. Voilà la préoccupation des chrétiens. Comme les gens sont venus avec l'esprit dénominationnel, il écoute la parole de Dieu. Dieu ne s'est pas encore révélé à lui. Les autres veulent déjà prêcher, les autres veulent devenir déjà diacre, les autres veulent déjà chanter à la chorale. C'est le même esprit qu'avait aussi Caïn. Vous allez regarder quelqu'un comme ça. Il a encore le paganisme, même dans son langage, même dans sa vie. La véritable parole de Dieu, il n'a pas encore bien compris, mais il veut déjà prêcher. C'est grave. Ni atari. Mais c'est la vérité. Alakini ni kweli. Mukristo frère, un chrétien, mutoto wa Mungu, un enfant de Dieu, si il n'a pas encore fait cette expérience, il ne peut pas se tranquilliser. Tout le reste des choses, ce n'est pas sa préoccupation. Yake, sa préoccupation à lui, est que le Dieu de la Bible soit son Dieu à lui. Qu'il soit son Dieu. Même si je mourrais pauvre, néanmoins j'ai Dieu. Les jours que je mourrai, les anges viendront m'accueillir. C'est la vérité. Il se bat pour cela. Un enfant de Dieu, voilà sa préoccupation. C'est ça le seul combat des enfants de Dieu dans chaque âge. C'est la vérité. Nikweli. Qu'est-ce que ça peut t'aider? De faire longtemps ici, là où la vérité prêchée, mais les jours de ta mort, tu commences à trembler comme quelqu'un qui n'a jamais écouté la parole de Dieu. Ça va t'aider à quoi? Que ceci puisse t'interpeller, ikushike. Ça puisse te rappeler ce qui est dit ici, puisse te rappeler. C'est la vérité. Nikweli. Il faut Mungu anakuya wako. Il faut que Dieu soit à toi. Asikuye paka Mungu amkanisa yetu. Il ne soit pas seulement le Dieu de notre église. Oh, pasteur, wako na Mungu. Oh, ah, le pasteur, il a Dieu. Non. Na Mungu ni yari fanya onjo. C'est vrai, il a Dieu. Mais où le Mungu wake shifo kwe na wewe wako? Il faut que son Dieu là soit aussi ton Dieu à toi. Il faut que Mungu wako. Il faut qu'il soit aussi ton Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui a encore le paganisme sur lui. Il a encore le tribalisme comme celui de ses parents. Il a encore une comme Satan. À la mauvaise pensée, la campagne. Sa joie, c'est de demeurer seulement membre de l'église. Ce n'est pas ce qu'était Abel. C'est la vérité. Nikweli. Mutoto wa Mungu kama asiyapata ile ile deliverance ile experience mu maisha yake ya Mungu anakuya wake et que Dieu devienne à lui. Mungu anakuya wangu. Dieu devient à moi. Ajituliza. Là il ne peut pas se tranquilliser. C'est la vérité. Nikweli. Il faut Mungu akusaidie. Il faut que Dieu t'aide. Imani ni ufunuo. La foi c'est la révélation. Lisons d'abord les prophètes à ce sujet. L'enlèvement. Maubiri kunyanyuliwa. Paragraphe 65. Nukta ya makumi sita na tano. Frère Branham dit ceci. La foi c'est une révélation. Imani ni mfunuo. Nabiba 66. Je prends les paragraphes 66. C'est une révélation. Ni mfunuo. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. Ni kitu kile kinakufunuliwa. Kinakufunuliwa wewe. Qui t'est révélé à toi. La foi est une révélation. Imani ni ufunuo. C'est quelque chose qui a été révélé. Ni kitu kile kinifunuliwa. Comme cela le fit à Abraham. Paka vile limfanikia Abraham. Qui pouvait appeler tout ce qui était contraire. Ula ripashi kuita yote yenye kwa kinyume. À ce qui lui avait été révélé. Na ile limfunuliwa. Comme n'existant pas. Sawa akinako. Mungu abate mbariki. Que Dieu vous bénisse. Asema imani ile kama banakufunulia. Cette fois lorsque on te la révèle. Nikusema kintu kyote akina mumiandiko. C'est-à-dire toute chose qui n'est pas dans les écritures. Autakiamini. Tu ne peux pas croire en elle. Mungu abate mbariki. Que Dieu vous bénisse. Kyote kila akina mumiandiko. Tout ce qui n'est pas dans les écritures. Autakiamini. Tu ne peux pas croire en cela. Ah, il faut Mungu akusaidie. Et il faut que Dieu t'aide. Mungu abate mbariki. Que Dieu vous bénisse. Il faut Mungu. Leo hii. Aujourd'hui. Vous allez voir des chrétiens. Ils croient même à ce qui se raconte à la cité. Comme je suis allé Fashi Fulani, j'ai écouté les gens parler de Tunzunji. Ah, les gens connaissent cela. Et Dieu vous bénisse. C'est un bout d'homme lâchetif. Lorsqu'il marche, il marche à l'envers. Les pieds regardent. Un chrétien ne peut pas croire à toutes ces choses-là. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Un chrétien ne peut pas croire à des choses pareilles. Vous allez entendre les gens dire, celui-là a dévoré beaucoup de gens, il est sorcier. Un chrétien ne peut pas croire aux sorciers qui mangent les gens. C'est la vérité. Mais nous avons des frères et des sœurs qui sont même dans cette église. Dans leur famille, ils ne s'accordent pas parce que ce sont des sorciers qui mangent la chair humaine. Honte à toi. C'est la vérité. Nikueli. Comment expliquer que toi, en tant que chrétien, dans ta vie, tu crains les sorciers? Comment expliquer ça? Tu n'as pas bien cru. Tu ne vois pas que la foi du tabernacle ne t'a pas aidé? Ça ne t'a pas aidé, mon frère. Ça ne t'a pas aidé, ma soeur. La véritable foi, c'est celle qui croit seulement à ce que Dieu a dit. Si Dieu ne l'a pas dit, peu importe ce que Satan peut te présenter, c'est faux. C'est comme ça que la foi a toujours été. Pas cette foi d'aujourd'hui. La fausse foi. C'est la vérité. Nikoeli. Abraham n'acceptait jamais toute fausse chose. Comment expliquer que toi tu acceptes tout ce qui est faux? C'est compliqué. Que Dieu vous bénisse. Vous allez voir, quelqu'un vient lui raconter des fausses choses et il accepte. Tu n'as pas la foi. Que Dieu vous bénisse. Abraham n'était pas ainsi. C'est la vérité. Nikueli. Frère Branham est allé loin en disant, même si l'on venait te dire, on a vu Junior dans la maison de cette prostituée. Comme cela n'est pas écrit, je ne peux pas croire à cela. Il faut que tu sois un chrétien. Amen. Amen. Là, il faut être chrétien. C'est le christianisme d'aujourd'hui qui est conçu seulement à l'église. C'est très faux. Un véritable enfant de Dieu, il croit seulement à ce qui est écrit. On vient te dire que telle sœur t'est critiquée. Et toi aussi tu acceptes. Tu te fâches même contre cette sœur. Tu n'as pas la foi de la Bible. Parce que ce qu'on t'a dit là n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. C'est la vérité. Nikueli. Tu es quel genre d'enfant de Dieu? Qui accepte n'importe quoi? Non. Abraham n'était pas ainsi. Et la véritable foi, c'est la révélation. Ce n'est pas l'église qui la donne. Ce ne sont pas les gens qui peuvent te la donner. Ce ne sont pas les gens qui doivent te la donner, ma soeur. Il faut que les dieux du ciel viennent se révéler à toi. C'est alors que tu vas aussi recevoir cette foi-là. C'est la vérité. Nikueli. Il faut que les dieux de la Bible, si Dieu ne vient pas, il n'y a rien qui peut marcher. Mais si Dieu te révèle, là les choses peuvent marcher. La foi parfaite. Imani Kamilifu, Nimaobiri. C'est un message. Paragraphe 126. Nukta mia moja makumi mbili na sita. Mbele tushisome hii. Avant ceci, que Dieu vous bénisse. Il faut nécessairement Mungu akuye ajifunue kwako. Il faut que Dieu vienne se révéler à toi. Kama Mungu asijifunue kwako frère. Si Dieu ne se révèle pas à toi, mon frère, là tu es malheureux. Yesu alimwambia Simon. Jésus a dit à Simon, fils de Jonas. Ukwaheri Simon mwana wa Yona. Parce que haina mtu alikufunulia hivi bintu. Parce que ce n'est pas une personne qui te l'a révélé. Ces choses on peut même pas les apprendre à l'école. C'est Dieu qui te l'a révélé. Kama unasoma kule chini. Si vous lisez là, Jésus qu'on a mwambia. Jésus lui dit. Sur ce roc. Yulu yai mwamba. Je bâtirai mon église. Mimi nitajenga kanisa yangu. Maraka ni kusema nini? Qu'est-ce que ça veut dire? Kila wakati watoto yangu watakuwa pa hii dunia. Chaque fois que mes enfants. Na baba atakuwa na hii ufunuo sana wewe. Ils auront la même révélation comme celle que toi tu as ici. Nous sommes nous ensemble. C'est ça la signification de cette vie. Chaque fois que mes enfants seront sur la terre, ils vont aussi bâtir. Ils vont bâtir sur cette révélation que tu viens de recevoir. Parce que cette révélation ne vient pas des humains. Ça vient seulement de Dieu. C'est la vérité. Nikweli, que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, hier le soir, nous étions en train de dire ceci. Je voulais y revenir un peu. Les relations que nous avons avec Dieu, ce sont des relations d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des révélations d'amour et d'espérance. Si Dieu te sauve, il doit espérer en toi. Parce qu'il voit en toi. Toi aussi tu l'aimes. Est-ce que tu vois? Sommes-nous ensemble? Il faut Mungu akuye sûr. Il faut que Dieu soit sûr. Ya kusema wewe unamupenda. Que toi tu l'aimes réellement. Mungu akuye na ile hakikisho. Que Dieu puisse avoir cette certitude. Ile hakikisho il faut pas que maisha yako wewe. Cette certitude il faut maisha que yako dada. À toi mon frère et ma sœur. Convaincre Mungu wa mbingu. Puisse convaincre au Dieu du ciel. Ya kusema pa hii dunia. Que sur cette maisha terre, yako yote unaishi juu yake. Toute ta vie tu na Mungu mbingu. Pour Dieu et Dieu au ciel. Anahakikisha kile kintu. Il certifie la chose. C'est à ce moment-là qu'il va se révéler à toi. C'est la vérité. Nikweli. Nema patano ya mapendo. C'est. Ce sont des relations d'amour. Ah, ni mapatano ya mapendo, des relations d'amour. On en a mwakati ya Bible. Voyez-vous du temps de la Bible. Kuko muntu mwa alikalaka pa dunia kuna kwa miaka ya mingi sana avant ta Bible kwe jina yake ni Job. Il y a quelqu'un qui a vécu sur la Bible ça fait longtemps, son nom c'est Job. Un jour Dieu était au ciel. Nous sommes en belle Job chapitre 1er. Lisons d'abord Job sura ya kwanza. Mushiki embele. Écoutez. Job chapitre 1er. Job sura ya kwanza. Niko nanzia pa verset ke 6. Commence par les Bible konasema. Or les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel. Japo batote ya Mungu bakakuja kusimama mbele ya Yehova. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Shetani naye akakuja katikati yabo. L'Éternel dit à Satan. Yehova akamuliza Shetani. D'où viens-tu? Unatokea wapi? Et Satan répondit à l'Éternel. Shetani akamjibu Yehova. De parcourir la terre. Ninatokea mukujunguluka pa dunia na kuwayawaya. L'Éternel dit à Satan. Yehova akamuliza Shetani. As-tu remarqué mon serviteur Job? Eti uriona mutumishi wangu Yobu. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Hakuna mtu mwenye kufanana naye pa dunia. C'est un homme intègre. Ni mtu wa kunyoloka. Et droit. Na wa unyofu. Craignant Dieu. Wa kumwogopa Mungu. Et se détourna du mal. Na mwenye kuogopa bubaya. Est-ce que Mungu anashika témoignage ya Mungu? Est-ce que vous avez suivi le témoignage de Dieu sur Mungu Job? Mungu apate bariki. Que Dieu vous bénisse. Unaona kama Mungu ana témoigné Dieu à mtu wa pa dunia kintu. Lorsque Dieu témoigne sur quelqu'un de la terre, c'est-à-dire, c'est que Dieu la témoigne et la vérité. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne peut pas témoigner sur quelqu'un. Alors que Dieu considère cette personne-là comme hypocrite. Imaginez-vous un peu. Dieu ne peut pas commettre cette erreur. Si Dieu a témoigné, témoignage il montre le témoignage d'une personne. Mungu ni mzee Comme Dieu, c'est un vieux d'âge. Il a vérifié dans le cœur de cet homme. Il a vérifié les comportements de cet homme. Il va découvrir qu'il est vraiment chrétien. C'est pourquoi Dieu aussi a déclaré. Il a dit à Satan, et tu n'as mona mutumishi wangu hypocrite. Si cet homme était hypocrite, Dieu ne pouvait pas témoigner. On ne pouvait même pas parler de l'histoire de Job. C'est-à-dire, Job, bien qu'il n'y avait pas de Bible, il n'y avait même pas de prédicateurs. Dans les jours de Job, révélation aussi avait reçu la révélation de la nature. Et cela a changé sa nature. C'est la vérité. Nikweli. C'est pourquoi Mungu alimshuhudia. C'est pourquoi Dieu a rendu témoignage de lui. As-tu vu mon serviteur? Et tu uriona kumutumishi wangu Yobu. Pardonne, hakuna mtu yuko sana. Sur la terre, il n'y a personne comparable à lui. C'est un homme intègre et droit. Ni mtu wa unyofu na wa waki. Krenya Dieu. Mwenye kuogopa Mungu. Et se détourna du mal. Na ashitendake mabaya anakimbia mabaya. C'est la vérité. Nikweli. Ni mtu mwenye kuya na boka kwa Mungu. C'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Mungu anaanza kumshuhudia. Dieu l'a rendu témoignage. Est-ce que na wewe Mungu anaanza kukushuhudia? Est-ce que toi aussi Dieu peut te témoigner? Mungu aliona kusema shida hypocrite. Dieu a vu que Job n'était pas hypocrite. C'est la vérité. Ni kweli. Ndani ya Job. En Job. Muri kuya boka kwa Mungu. Il avait la crainte de Dieu. Roho yake yote. De tout son cœur. Ilikuwa attaché kwa Mungu. Était attaché à Dieu. Parce que mapatano ya batoto ya Mungu na Mungu wabo. Parce que les relations des enfants ni de Dieu mapatano na yengewaka pa mapendo. Ce sont des relations qui sont bâties sur l'amour. Mutu kama anapenda Mungu. Lorsqu'une personne aime Dieu. Na jana, comme on l'a dit même hier. Eko na magumu sana jua kumfanyisha kitu kibaya. Il a du mal à offenser Dieu. Eko na magumu sana. Il a des difficultés à offenser. Kile anayua kusema hiki nataka kufanya hapa haina sauti ya Mungu. Ce qu'il sait que ce que je vais faire ici n'est pas la parole de Dieu. Vous pouvez même le tuer. Asita kifuani. Il ne peut pas le faire. Munaweza hata kumkritiquer. Vous pouvez même le mépriser. Munaweza kumuona bule. Vous pouvez même le critiquer. Iko masomo ikue wapi? Iko musite. Iko mukaji. Même au service. Wewe wote munaweza kujitoa mubwizi. Me kumtosha paka yeye. Vous pouvez vous lancer dans le vol sauf lui. C'est la vérité. Ni kweli. Oh kaji takwisha. Il faut na wewe anze kufere huko passer bitu fulani. Il faut aussi faire passer quelque chose. Lui ne va pas accepter. Munaweza hata kumtosha kaji akufe hata machikini. Mais kuvunja sauti ya Mungu anakataa. De sa fonction, mais briser la parole de Dieu, il va refuser. C'est la vérité. Ni kweli. Mutoto wa Mungu. Un enfant de Dieu. Ula ripata ufunuo. Qui a reçu la révélation. Wa kunyoloka. C'est quelqu'un qui est. Mapendo ile konayo kwa Mungu. L'amour qu'il a à l'égard de. Mapendo ile konayo kwa Mungu dada. L'amour qu'il a envers. Iko na mushindisha kumfanishia kibaya. Ah, ça lui fait ne pas faire le mal. Iko na mushindisha. Vraiment, il a du mal à faire le mal. C'est la vérité. Ni kweli. Asiweze kutenda kibaya. Il ne peut pas commettre le mal. Frère Branham anasema hivi. Frère Branham dit ceci. Mon message puissant conquérant. Na mujumbe mushuja wa uwezo. Prêchez le 8857. Ya le 8857. Paragraphe yake 54. Nukta ya makumi tano na ine. Frère Branham anasema hivi. Frère Branham dit ceci. Si vous êtes ce soir sans Christ. Kama mangaribi ya leo uko bila Kristo. Si vous n'avez pas une véritable et authentique expérience, kama auna na onjo ya kweli ya Mungu, j'aimerais vous poser une question. Napenda kukuuliza ulizo moja. Il y a trop de membres d'église aujourd'hui. Kukuba memba mingi ba kanisa leo. Il y a trop de gens. Kukuba tu mingi. Qui osent prétendre être chrétien. Bale beko na dizania kuwa ba Kristo. Asima beko ba mingi. Ils sont très nombreux. Si vous n'aimez pas kama upende, très profondément Christ dans votre cœur, mupana wa moyo wako umpende sana Kristo, Christ n'est pas là. Christ manake anamo. Toba moya. Somnu ensemble. Frère Branham dit ceci. Si vous n'aimez pas très profondément, kama upende sana na upana yote, mule muro yako mule, au fin fond de ton cœur, ya kusema, tu remarques que weye mule muro yako amuna ile mapendo ya kupita. Dans ton cœur, il n'y a pas ki de profonde d'aimer. Amu ya Mungu mu maisha yako. Il n'y a pas une grande soif d'aimer Dieu. Mungu asina amu. Frère Branham dit que dans ton cœur là, il n'y a pas Dieu. Anamo. Dieu n'y est pas. Si vous n'aimez pas très profondément. Kama upende na upana wote. Christ n'est pas là. Mumoyo wako manake Christ anamo. C'est la vérité. Hii ni kweli. Anasema hivi. Il dit ceci. Pouvez-vous prendre position pour Christ comme cette mère biche? Et unaweza kuchukua msimamo ngambo ya Christ sawa huyu mama wala? Ana avait prise pour son petit. Alichukua kama msimamo juu ya mtoto yake. Est-ce que c'est un genre d'amour? Et mapendo ya namna hiyo. Qui a dans votre cœur? Yenye kwa moyo wako. Qui vous fera avancer droit en face de la mort? Ile takupeleka hata mbele ya lufu. Eh bien. Basi. C'est à peine que vous arrivez à témoigner. Ah, ni pale ni hapa tu unatoka mkuishuhudia. Voulez-vous réellement Christ? Eti hakika unampenda Kristo? Dans votre cœur comme cela? Mumoyo wako mui namna? Est-ce que uko na hamu kabisa kabisa ya Kristo muile namna muro yako? As-tu tellement soif de Christ dans ton cœur? Kila nduku na kila dada. Chaque frère, chaque sœur. Anaweza kucontrôler hali ya roho yake hapa sasa. Il peut sonder l'état de son âme ce soir. Hapa sasa. Présentement. Jésus Christ. Jésus Christ. Et qu'on a foi chicane mule muro yako. Il a quelle place dans ton cœur? Kama mapendo ya mingi. Si beaucoup d'amour. Aina mule muro yako. N'est pas dans ton cœur. Na kama mapendo na kuya muro ya muntu frère. Lorsque l'amour est dans le cœur d'une personne. Ni kusema maisha yake yote. C'est-à-dire dans toute sa vie. Et qu'on a itoa pa kwa ule muntu. Il se donne à cet homme. C'est la vérité. Mbia kweri nduku. Mais si tel n'est pas le cas, Christ, anapo, Christ n'y est pas. Ukingariki hypocrite. Tu es encore munafiki au masula mbiri. Comment on aweza kusema Mungu ni Mungu wako? Comment peux-tu nous dire que Dieu est à toi? Alors que mon maisha yako unaweza kusema kuna ma conflit mingi sana na ule Mungu. Alors que dans ta vie tu sais que tu as beaucoup de conflits avec ce Dieu. Wa mwenyako na témoigner vitu vya bongo. Toi-même tu témoignes faussement. Na conscience ya roho yako inayua. Et même la conscience de ton cœur le sait bien. Sinayua très bien. Tu connais bien cela. Unapenda tuhubiri namna gani? Et tu veux qu'on le presse de quelle manière? Parce que pale huko unapenda tuhubiri bia kukufurahisha. Là tu veux qu'on puisse te dorloter. Hatuta kubembeleza. On ne peut pas te dorloter. Ndio vile wewe unapenda. C'est ce que toi tu veux. On ne peut jamais te développer. Même si je te dis que Christ est dans ton cœur. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas là, ça va t'aider en quoi? Même si moi là, je viens te confirmer. Le pasteur et l'ancien viennent te confirmer. Toi, vraiment, tu es le mais au fin fond de ton cœur, tu sais que tu n'as pas Christ. Ça va t'aider à quoi? Ça va t'aider à quoi? C'est la vérité. Ni kweli. Parce que ouais, on a peine à tout comprendre, c'est moi. Tu veux qu'on te dise que tout comme les cocolés quoi Adam et Eve. Oh, nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Tout le cocolé quoi Adam et Eve. C'est vrai, nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Mais ce sang de Jésus-Christ. Comment il a encore la montre? Lorsque ça sauve. Où la montre en est là quand on a dit qui chose? Cette personne-là doit avoir la certitude. C'est la vérité. Ni kweli. Mais si on te dorlote, qu'on te dise que tu es enfant de Dieu, tu es un chrétien, mais regarde mon frère, conscience, ta conscience à toi là, na ville où et ce que tu es. Peut-être tout le monde ne le sait pas. C'est Dieu seul et toi. Mais si on te flatte, ça va t'aider à quoi? Ça va t'aider. Alors que mule muro yako mule. Alors que dans ton cœur, tu es conscient. Mungu asinamo. Dieu n'y est pas. Uko conscient. Tu es conscient de cela. Mukama tunakuflatte bitakusaidia. Et si on te flatte, ça va t'aider à quoi? Bon, tunakuflatte bashi. Et alors, on te flatte. Nikusema uko na Mungu bashi. Tu as déjà Dieu, tu as Dieu. Parce que je vois que tu es fâché. Uko na Mungu. Tu as Dieu. Ce n'est pas toi qui vas les placer dans ton cœur. Même si tu te fâches, dans la parole de Dieu, il y a des principes à suivre. Et chacun doit les respecter. Pour que Dieu puisse les visiter. Si tu ne le fais pas ainsi, c'est ton affaire. C'est la vérité. Nikoeli, ça, c'est ton affaire. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, c'est vrai, il n'est pas là. C'est la vérité. Nikoeli. Mambo ya Mungu ni mambo ya kutumainiana. À la parole de Dieu, il faut avoir confiance Job. En soi comme Dieu avait confiance en Job. Job, na bazazi, na baba na mama. Job, c'était un homme qui avait été humain. Il était né aussi dans un sens sans suyer. Mais il a reçu grâce devant Dieu. Toi, ce que toi tu appelles grâce, c'est être au tabernacle. C'est ce que toi tu appelles grâce. Nous avons reçu grâce devant Dieu. La preuve de la grâce que tu as reçue, c'est quoi? Oh, frère, si tu oh, nous sommes au tabernacle. Nous avons des bons prédicateurs. C'est ça la grâce. Ça, ce n'est pas la grâce. C'est la vérité. Nikoeli. Tu vis, mais ta conscience te dit que tu vis mal. Mais tu continues à dire que tu as la grâce. Kutengeneza, utengeneza. Réparer, tu ne répares pas. Mais tu as toujours la grâce. Il a une anema ya mubiblia. Ça, ce n'est pas la grâce ni de la Bible. Ya mumawazo yako. C'est la grâce de ta pensée. Aina anema ya mubiblia. Ce n'est pas la grâce de la Bible. C'est la vérité. Inikweli. Tu as reçu la grâce devant Dieu. Non, mon frère. Non, ma soeur. Il y a beaucoup de gens ici. Ce sont des païens qui n'ont rien reçu de la part de Dieu. Ils se cachent seulement dans la chaleur de l'église. Leur joie d'être seulement dans la chaleur de l'église. Ils se cachent seulement à cause de cette confiance que le pasteur leur a donnée. C'est fini. Mais au fond, il est conscient qu'il n'y a rien. Mais ça veut confiance, pasteur n'a pas confiance. Le passé les a donné confiance. Ils sont dans la chaleur de l'église. Ils sont dans la chaleur des frères et des sœurs. Seulement ça. C'est ce qui les garde ici. Mais dans leur cœur, amuna kitu. Ça va t'aider à quoi, mon frère? Il faut qu'on te dise pour que tu découvres ce que tu es. Mais continue comme ça. Leur joie. C'est comme le pasteur a confiance en eux. Pasteur n'a pas peine. Le pasteur les aime. Mais c'est une bonne chose. Quand pasteur n'a pas peine. Si le pasteur t'aime, c'est bien. Mais ne t'arrête pas seulement. Vérifie l'état de ton cœur. Fais vérifier. Vérifie-le. Oh, mais pasteur, je crois que n'a connu ta téléphone. Un pasteur ne tarde pas à m'appeler au téléphone. On a vu les bandes, mais qu'on séduit. Voyez comment les gens sont séduits dans cet âge. Angaria frère. Regarde, mon frère. Regardez ma sœur. Ataba utake. Même si on t'appelle jamais. Mais si dans ton cœur, mwenye kuturizana. Tu es sauvé. Reste tranquille. C'est la vérité. Nikoeli. Oui, mambo, frère. Dans cette affaire, mon frère, il n'y a personne qui peut plaider pour ni toi. Mambo, ceci demande à ce que toi-même tu fasses la véritable expérience avec Dieu. Ah, tu te souviendras de cette prédication. Tu te caches derrière la chaleur de l'église. Oh. Tu te souviendras. Tu te caches derrière les fonctions oh, de l'église. J'interprète. J'interprète les soumis. Oh, oui. Moi, je suis tel à l'église. Je suis caméraman. Je suis ceci et cela. Dans ton cœur, comment cela est? Comment est ton cœur, l'état de ton cœur? Avenir, comment sera ton avenir? Oh frère, on a un tabernacle. Frère, voyez-vous au tabernacle? C'est nous qui avons cru il y a longtemps. Tu étais là lorsqu'on avait un petit temple là, le premier temple. Moi je suis arrivé lorsque vous avez prolongé un peu le petit temple là. Vous êtes de nouveau. Hein? Vous les anciens, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez comment les gens sont séduits. Être un ancien, être un nouveau, ça change quoi devant Dieu? Ça ne change rien devant Dieu. C'est pour que ton âme soit d'abord sauvée. C'est la vérité. Et c'est une quoi. Frère, c'est nous qui sommes les anciens ici. Nous avons fait longtemps ici. Même si tu as fait longtemps, ayez la certitude que tu as Dieu. Sinon, tu seras surpris. C'est la vérité. Nikweli. Cette parole, il ne faut pas la prendre à la légère. Il y a beaucoup de choses que mais je devais parler sur cette femme. On a insisté par une fois. Lorsque Dieu insiste à ce sujet, c'est-à-dire Dieu découvre beaucoup de gens abanana kitu. Ni batono vide. Ils sont restés seulement dans la chaleur de l'église. La chaleur de frères. Ils sont restés dans la confiance que les serviteurs leur accordent. C'est sur ça qu'ils se sont arrêtés. Oh prédicateur, pourquoi tu le dis ainsi? Je le dis parce que c'est ce que tu es. Tu vois, lorsque tu t'étais, même lorsque tu sortiras vers chez toi, tu vas essayer un peu de faire l'inventaire. Tu diras vraiment la parole de Dieu a dit la vérité. Que Dieu m'aide. Ma vie n'est pas correcte. Ce que tu as dit, lorsque je me suis tu, c'est parce que j'ai entendu. Dieu va t'aider. C'est la vérité. Nikweli. Un enfant de Dieu, mon frère, il écoute deux fois ce que Dieu dit. Quelqu'un d'autre croira que on me méprise. C'est comme ça qu'il va considérer. Mais un enfant de Dieu, ces paroles ici, Dieu s'est adressé à moi. C'est la vérité. Nikweli. Tu te caches derrière la chaleur de l'église. Derrière la confiance que les serviteurs de Dieu t'accordent. Parce que les frères et les sœurs te visitent. Ou parce que tu es un ancien dans l'église. Si on pèse ton cœur sur la balance, tu seras surpris. Un méchant. Quelqu'un qui a la haine à tel point vous serez étonné. Lorsqu'il te hait, il pense même à te tuer. Et cet homme-là aussi a Dieu. Non, mon frère. Non, ma soeur. Cette affaire, mon frère, cette parole, ma soeur, si nous l'écoutons bien, il faut que ça nous pousse dans la prière. C'est la vérité. Nikweli. Je lisais quelque part là où Frère Branham dit, allez à genoux, na sincérité, avec toute sincérité, ça appelle à ce que Dieu puisse intervenir. Je lisais quelque part là où il parlait à ma bizazi. Généologie. Ah, généologie. Généologie. Étude à genoux. Maintenant que ma diffuse à genoux. Ah, ok. S'agenouiller aussi. C'est aussi une généalogie. Les genoux. Ça aide Dieu. Ça appelle à ce que Dieu parce puisse t'aider. Parce que du temps de la Bible, il y a des gens à travers les genoux. Ah, leur séjour était déjà arrêté. Mais Dieu les a prolongés les jours. Tu peux être toi-même, tu découvres que monafiki, mais qui va te changer? C'est seulement Dieu. Comme on a remarqué sincérité dans ma vie, Yako. Kumagoti. À genoux. C'est alors qu'il va t'aider. En regardant l'état de ton cœur, vérifiez tout bien. Uchunguze mzuri. Kama réellement comme mtoto wa Mungu. Si réellement tu es un enfant. Aweze kutoka vile uringia. Tu ne vas pas sortir tel que leo, unapata kubeba décision ingine. Tu vas prendre une na kuangalie Mungu na sincérité yote. Mu maisha yako. Dans ta vie. Na Mungu wa mumbingu. Et que les dieux disent. Il faut akuye si. Il faut qu'il soit sûr. Ya kusema ile uko nafanya. Ce que tu fais là. Ya kutokea mu roho yako. De ton cœur, c'est alors qu'il va intervenir. Si tel n'est pas le cas, devant toi il y a la mort. Tu vas te souvenir. Lève-nous pour la prière. Chaque frère et chaque sœur puisse méditer. Dieu a déjà parlé. Soyez certain de Dieu. Il faut que Mungu wako. Il faut qu'il soit ton Dieu à toi. Mungu wako. Ton Dieu à toi. Hapana Mungu wa mkanisa. Pas le Dieu de l'église. Est-ce que nduku na dada? Est-ce que mon frère et ma sœur? Uyu Mungu uko nasikia. C'est Dieu que tu écoutes. Ni Mungu wako. Est-il ton Dieu à toi? Muro yako mukuje. Dans ton cœur, comment est l'état de ton cœur? Ama hanamo. Si il n'est pas là. Omulilie. Plairez, accourez vers lui, prenez la décision, dites regardez la chose qui m'a empêché dans ma vie de persévérer, c'est cela. Mais depuis que je suis venu ici au tabernacle, il n'y a rien qui marche. Dans mon cœur, il n'y a pas où acquiescer. Je veux que tu m'aides. Donne-moi la force afin de pouvoir réparer ceci, réparer cela, Dans mon caractère, je suis un colérique. Ôte-moi la colère. Je suis un homme qui aime les critiques. Ôte-moi toutes ces choses. Mauvaises pensées me viennent. Viens-moi en aide. Vas-tu me laisser ainsi? Si Dieu voit la sincérité dans ton cœur, certes, Dieu va intervenir. Prions tous ensemble.